Avec Judith, retrouve le cul que t'avais à 18 ans. Ouais, j'ai fait fondre ma graisse. Alors, si tu veux perdre la graisse qui te sert de derrière, achète Judith. Les gens qui n'existent pas sont omniprésents. Ils sont partout, tu peux pas les rater. Les gens qui n'existent pas n'ont pas l'air méchants. Ils ne leur manquent la parole et un peu d'humanité. Ils te montrent leur cinglas à la télé ou dans la rue pour te dire à leur manière à consommer. C'est de la balle. Ils s'installent aux endroits où ils sont certains d'être vus. Un jour on aura peut-être sur ma pierre tombale. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont eu cette super idée de toucher l'apparence humaine, ouais disons normal. Pour créer l'être parfait et obligé à lui ressembler. Aujourd'hui on n'a plus le droit d'être gros ou d'être moche. Chacun doit ressembler à Ken ou à Barbie. Améliorer son apparence physique c'est fastoche. Et en plus ça permet d'engraisser l'industrie. Dessiner le corps parfait, tu es vite confronté à un problème embêtant, le retour.